Amis humains, bonjour. Quel ordre pour le chaos ? Le chaos semble bien en marche, que ce soit par la bêtise et l'incompétence des dirigeants, que ce soit une volonté de certaines élites ou que ce soit tout simplement dû à la bêtise humaine, peu importe finalement. Des pays se désintègrent, l'économie vacille et on voit émerger des bêtes humaines symptômes d'un monde en perdition. Pour nous qui sommes encore assez jeunes, on ne peut donc que se poser des questions quant à l'avenir et disons-le clairement, nous ne sommes pas très optimistes. Pourquoi le serions-nous d'ailleurs ? Je suis personnellement fasciné par les gens qui sont d'un optimisme béat devant l'avenir. Alors je me dis soit ils sont idiots, soit ils sont ignorants, soit ils savent des choses que personnellement j'ignore. Je pense personnellement que les élites savent à coup sûr des choses que j'ignore et qu'ils ont un but occulte. Auraient-elles compris que le monde tel qu'il est n'a pas d'avenir et qu'il faut le remodeler ? Sans doute. Alors je sais que certains pour des raisons évidentes, notamment les Georgia Guidestone, pensent que l'on veut réduire le nombre d'humains à quelques centaines de millions. Ce qui voudra dire qu'il faudrait trouver un moyen d'oxyre des milliards d'individus. À part des catastrophes climatiques de grande ampleur, une guerre nucléaire et bactériologique, sans compter un certain nombre d'horreurs trop abominables à imaginer, je ne vois comment on pourrait réduire la population à ce nombre. Mais il me semble clair cependant que le monde, s'il continue dans la direction qui est la sienne, pourrait devenir incontrôlable. Il convient donc de se demander s'il y a des capitaines dans les navires que sont les pays. On sait que les élites états-uniennes veulent remodeler le Moyen-Orient. Un délire sans doute, mais qui est souhaité par des personnes qui ont des moyens conséquents et une détermination que nous aurions tort de sous-estimer. Car ces gens peuvent provoquer des guerres sur des mensonges avec toutes les conséquences que ça a. Donc ces gens, de mon point de vue, veulent détruire et ce sont des théoriciens et autres idéologues, donc des gens parfois irrationnels. Quand on a affaire à de pareils démons qui se prennent pour des dieux, on ne peut qu'être inquiet. Comme les Français devraient être inquiets avec les fanatiques qu'ils ont à leur tête. Des fanatiques de la République, de la laïcité et de la liberté à géométrie variable. Des destructeurs fous, sans morale et sans conscience. D'ailleurs, les feumants sont à l'image de ces fanatiques. Certains ne voient pas leur apport, ils devraient pourtant. Au nom de la liberté, on a ramené la Libye, l'Irak et la Syrie à l'âge du chaos. Au nom de cette même liberté, ils enverront le chaos en France. Ces mêmes qui défendent les feumants devant leurs actions provocatrices, sont les mêmes qui veulent faire passer la loi Macron en force, les mêmes qui parlent de traquer ceux qui ne sont pas Charlie, etc. Les mêmes qui, envers et contre tout, vantent les mérites de l'Europe. Des fanatiques à n'en point douter. Que faire face à des fanatiques sinon avoir une détermination sans faille ? Mais sans un éveil de la raison, c'est malheureusement peine perdue. Car ces fanatiques ne sont pas arrivés au pouvoir d'un claquement de doigts et ils ne seront donc pas délogés d'un claquement de doigts. Ils ont infesté les leviers du pouvoir tel un cancer insidieux de sorte à essayer de tout contrôler. Mais ils savent que dans l'état actuel des choses, ils auront du mal à tout contrôler. Il faut donc détruire pour essayer de reconstruire un monde plus facile à contrôler. Sauf qu'à vouloir détruire, on peut faire émerger un monde incontrôlable dont on ne reprendra plus jamais le contrôle. Peut-être que ces bougres sont trop idiots et trop aveuglés pour comprendre cela. Ils cherchent à détruire les repères moraux et autres entraves qui empêchent les gens d'être aussi faciles à manipuler que de la pâte à modeler. Mais ce faisant, on peut rendre des gens perméables à toutes sortes d'idées folles comme celles que prônent certains prédicateurs. Ces prédicateurs qui, par exemple, disent à des jeunes désœuvrés et désespérés qu'en mourant en martyr, ils atteindront le paradis. Un paradis très matérialiste avec femmes à gogo et autres joyeusetés immorales. Mais ces jeunes ainsi programmés sont-ils contrôlables ? Peut-être s'ils ne sont pas trop nombreux et si les élites occidentales ont un contrôle réel sur les prédicateurs. Mais le propre de l'irresponsable est d'ignorer qu'il est. Détruire l'ancien monde, c'est bien, mais à condition de ne pas être emporté par la merde. Car ces enfoirés sont bien contents d'avoir des flics pour les protéger et un certain nombre de services qui fonctionnent. Quand tout ira à la dérive, que feront-ils? Je ne crois pas que l'ambassadeur états-unien s'attendait à être oxy en Libye. Je ne crois pas que certains états-uniens s'attendaient à être mis en danger en Irak libéré aussi. Il y aura toujours des choses qui vous échapperont et avec la théorie du chaos tout peut partir en vrille très vite. Alors oui, certains faux pensent sans aucun doute apporter un ordre parfait dans le chaos qu'ils créent et qu'ils espèrent contrôler. Mais Israël s'attendait-il à être humilié par le Hezbollah en 2006? Les dirigeants occidentaux s'attendaient-ils à une telle résistance de l'État syrien? Contrôlent-ils vraiment ce qui se passe entre autres en Libye? Je crois qu'ils le pensent, mais l'avenir nous dira ce qu'il en est. À vrai dire, ces élites me font parfois penser à des méchants de James Bond qui rêvent de créer un nouveau monde, parfait selon leurs critères. Ils vivent dans un film dont ils ont écrit le scénario en faisant fi de la réalité et de la complexité humaine. Comme sans doute certains ont pu rêver d'un monde rempli de bellâtres blonds aux yeux bleus. Sauf qu'entre le rêve et la réalité, il y a souvent un gouffre que l'homme raisonnable ne peut ignorer. Et le sage évite de provoquer le chaos car celui-ci peut mener aisément au pire. Mais la complexité humaine est la source de mes plus grandes craintes, mais aussi celle de mes plus grandes espérances. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.